Chapitre 23e. À Mademoiselle Thérèse Chamberlain, rue de Courcelles, Paris. La Varenne, 20 novembre 1870. Ma chère Thérèse, enfin je vais pouvoir causer avec vous un peu longuement, sans être étranglé dans ces courbiers que depuis trop longtemps j'étais obligé de vous écrire en courant, sans pouvoir vous dire autre chose que je suis vivant. Sans doute c'est là un point intéressant et qui a sa valeur, aussi bien pour celui qui écrit que pour celle qui lit. Mais enfin, ce n'est pas tout, alors qu'on a tant de choses à se dire. Maintenant, me voilà installé devant une table, assis sur une chaise, ayant devant moi du papier et une plume, au-dessus de la tête un toit, sous les pieds un tapis, dans des conditions à bavarder avec vous jusqu'à ce soir. Si je ne dis pas jusqu'à demain, c'est qu'il nous est interdit, sous peine de bombardement, d'avoir de la lumière la nuit et du feu le jour. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi tient cette interdiction, car il ne faut pas anticiper sur les événements, comme on disait dans les romans que je lisais lorsque j'étais enfant. Vous rappelez-vous ma première lettre, il y a bientôt 2 mois? Je vous disais que nous allions sans doute rentrer dans Paris pour nous enfermer dans son enceinte. Heureusement, il n'en a pas été ainsi. Peu à peu, après le premier moment de découragement passé, la confiance est revenue à nos généraux, et au lieu de rentrer dans Paris, nous avons poussé en avant. Sans doute, nous n'avons pas été bien loin, puisqu'en 2 mois, nous ne sommes encore arrivés qu'à la Varenne, c'est-à-dire à 10 ou 12 kilomètres de Paris. Mais enfin, c'est quelque chose. Qui voudra jamais croire qu'il a été un moment question d'abandonner toutes les défenses extérieures, au nombre desquelles se trouvaient des forts, comme ceux de la Faisanderie et de Gravel, pour s'abriter derrière les murailles de Paris, où d'ailleurs on n'aurait pas été du tout abrité. Et cependant, ceux qui avaient accepté la tâche de nous défendre ont eu cette pensée. Enfin, on ne l'a pas réalisée, et voilà comment il se fait qu'aujourd'hui, je vous écris de la Varenne, où nous voilà installés après avoir tant couru sur les bords de la Marne, de côté et d'autre, en bataillon. C'est peut-être un endroit agréable que la Varenne pendant l'été. Je l'ignore, puisque je suis entré dans ce village pour la première fois par un triste jour d'hiver, où il tombait des flots de pluie en même temps qu'une grêle de balles. Mais présentement, c'est un maussade de séjour. Cependant, au point de vue militaire, ce séjour est enviable, car c'est nous qui avons l'honneur de pénétrer le plus avant dans l'armée allemande. Vous qui connaissez la Marne mieux que moi, ma chère cousine, vous savez qu'avant de se jeter dans la Seine, elle fait un large détour en forme de fer à cheval, qu'on appelle la boucle de la Marne, et qui, commençant à Joinville, vient se terminer à Gravel. Dans cette boucle se trouvent de nombreux villages, Saint-Maur, la Varenne, Port-Créteil. Le terrain sur lequel ces villages sont bâtis est peu élevé au-dessus du cours de la rivière, et toute cette boucle n'est qu'une plaine plate. Au contraire, les villages qui se trouvent sur la rive opposée sont groupés sur des collines qui s'élèvent brusquement, Champigny, Genevière, etc. Si j'entre dans ces détails topographiques, c'est pour que vous compreniez une aventure assez désagréable qui a failli me coûter cher le jour de mon installation dans la jolie maison de campagne qui me sert d'habitation. Nous arrivons, à la nuit tombante, devant la grille de cette maison. Les balles ne sifflent plus au-dessus de nos têtes, mais la pluie verse toujours. Belle apparence, jardin en bon état, maison coquette. Nous frappons par acquis de conscience, personne ne répond. Ce qui ne nous surprend pas puisque le village est désert. Nous forçons la grille, ce qui est vite fait, et nous entrons dans le jardin. Du jardin, nous pénétrons dans la maison en enfonçant la porte, ce qui est vite fait aussi. D'ailleurs, nous n'avons pas de temps à perdre, nous sommes transpercés jusqu'aux os par la pluie et nous mourons de faim. Nous avons hâte de nous abriter et de faire cuire la viande crue qu'on vient de nous distribuer. Un de nos camarades allume une allumette et nous voyons que la maison n'a été que très imparfaitement déménagée. On a enlevé seulement les objets de valeur. Les gros meubles, tables, chaises, lits, glaces sont restés. Sur la cheminée du salon, des bougies sont restées dans les flambeaux. On les allume. Alors un de nos camarades envoie un coup de crosse de fusil dans la glace qui vole en éclats. « Il ne fallait pas voter oui, » dit-il. On lui fait observer que le propriétaire de cette maison, que nous ne connaissons pas, a peut-être voté non lors du plébiscite et que d'ailleurs, eût-il voté oui, ce n'est pas une raison pour tout briser chez lui. mais cette observation n'étant pas faite par un officier ayant autorité pour parler, ne produit pas grand effet. D'ailleurs, on pense à autre chose qu'à s'adresser mutuellement des observations. On pense à s'organiser pour la nuit. Il y a longtemps que nous n'avons été à pareille fête, des chaises, des tables, des lits. Comme il y a près de 2 mois que je n'ai dormi sur un matelas, je me réjouis à l'idée de la bonne nuit que je vais passer sans bottes à mes pieds, un oreiller sous la tête. On a allumé toutes les bougies et l'on cherche du bois pour faire cuire notre souper. On n'en trouve pas, mais bien vite, on s'en procure en faisant sauter quelques frises du parquet qu'on casse et qu'on entasse dans la cheminée. Si je trouve les bris des glaces barbares et stupides, je ne peux pas regretter les dévastations que nous faisons subir aux maisons dans lesquelles nous passons, car enfin, il faut bien que nous nous procurions du bois pour faire cuire notre viande et nous réchauffer quand nous rentrons d'une faction de 4 heures, sous la pluie, dans un trou ou au pied d'un arbre. Et comme depuis que nous sommes en campagne, on ne nous a jamais fait une seule distribution de bois, nous prenons celui que nous avons sous la main, ou plutôt sous les pieds, c'est-à-dire celui des parquets. Sans doute la propriété est chose respectable, mais la vie des hommes qui défendent cette propriété a droit aussi à quelques égards. Le feu flambe de la cheminée et éclaire tout le salon de grande lueur capricieuse. Le bois est sec, il brûle bien, et nous allons pouvoir faire rôtir notre morceau de cheval tout en nous séchant. La fête sera complète. Mais tout à coup, un bruit que nous connaissons tous maintenant frappe nos oreilles. C'est le sifflement d'un obus qui arrive. Nous levons la tête, les vitres de nos fenêtres craquent, l'obus a éclaté dans le jardin. Si à Montmélic, quelques-uns de nos camarades allaient s'abriter des obus derrière les murs, maintenant ils ne se dérangent plus pour si peu de choses. Nous continuons à nous chauffer. Mais un second sifflement se fait entendre et un second obus éclate dans le jardin, un peu plus près de la maison. Un troisième arrive presque aussitôt, et cette fois le haut d'une de nos fenêtres est démoli par un éclat. Les carreaux tombent dans le salon. Comme je n'avais qu'à me chauffer, je pouvais réfléchir, et il ne m'est pas difficile de comprendre d'où nous vient ce bombardement. Les Prussiens qui sont sur la colline en face voient notre feu et ils veulent nous empêcher de nous établir ici. On y est bien, cependant. Et le rôti commence à sentir bon. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de passer de l'autre côté de la maison. Nous sommes au sud, allons au nord. Justement, il y a une très belle chambre où nous serons admirablement. Les Prussiens, ne voyant plus notre feu, puisque nous allons éteindre celui du salon, croiront que nous nous sommes sauvés, et ils nous laisseront tranquilles pendant toute la nuit dans notre belle chambre. Cet avis est adopté. Nous déménageons vivement, et nous nous installons dans la chambre dont les fenêtres ouvrent vers le nord. Puis nous allumons de nouveau un feu superbe. C'est à peine si notre rôti a eu le temps de refroidir. Nous sommes pleinement rassurés. Les ennemis qui nous voyaient ne peuvent plus nous apercevoir puisqu'il y a une muraille qui nous cache. Mais au moment où les flammes commencent à jeter leur lueur dans la chambre, une vitre tombe à terre avec fracas et un coup mat retentit dans la muraille opposée. Cette fois, on ne nous bombarde plus, mais on nous fusille avec des fusils de rempart. Un lingot de fer est incrusté dans la muraille. Après un premier mouvement de surprise, il est facile de comprendre notre situation. Cette presqu'île de Saint-Maur s'avance comme un bastion, comme un coin, au milieu de nos ennemis, qui, de tous les côtés, un seul excepté, nous enveloppent. Et ceux qui viennent de nous bombarder sont peut-être à 3 ou 4 kilomètres de ceux qui viennent de nous fusiller. Ils ne se sont point donné le mot, mais voyant un feu, ils ont tiré dessus. Ceux qui sont éloignés avec du canon, ceux qui sont rapprochés avec des fusils. Mais pour nous, peu importe le genre de projectile, ce qu'il y a de certain, c'est que nous devons éteindre notre feu au plus vite et renoncer à notre rôti, renoncer même à notre souper. Nous devons nous coucher sans lumière, les parquets du propriétaire sont sauvés. Cette mésaventure, plus drôle que grave, doit vous faire voir mieux que mes explications quelle est notre position. La nuit, nous ne pouvons pas avoir du feu ni de la lumière. Et pour faire cuire nos aliments, nous devons nous cacher dans des caves, afin qu'on ne nous fusille pas à la lueur de notre cuisine. Mais, me direz-vous, pourquoi, comme tout le monde, ne faites-vous pas cette cuisine le jour? Parce qu'il n'y a pas de feu sans fumée, et qu'aussitôt que le plus léger filet de fumée s'élève, dans le jour, au-dessus d'une cheminée, la maison que surmonte cette cheminée reçoit un obus qui renverse les marmites et tue les cuisiniers. Oh, nos ennemis qui se sont établis à la base, sur les pentes et au sommet des collines qui nous entourent, font bonne garde. et ils ont la facilité de nous envoyer leurs balles et leurs obus, comme s'ils nous les offraient de la main à la main. Ils n'ont qu'à se pencher sur nous. Ils ont le bras suspendu au-dessus de nos têtes, et ils n'ont qu'à le laisser tomber, comme le chasse à pattes sur les souris qu'ils guettent. Si cette situation est désagréable pour faire la cuisine ou pour se réunir le soir autour d'un bon feu, elle n'est pas moins fâcheuse pour la promenade et la circulation. Aussitôt qu'on paraît dans une rue bien exposée, on est salué par une balle qui casse une branche au-dessus de votre tête ou qui vous couvre du plâtre qu'elle a détaché d'un mur. Il faut certaines précautions pour marcher et les carrefours sont plus dangereux que ceux des boulevards. On se défile en rasant les murs dans lesquels nous avons percé les brèches qui font communiquer toutes les propriétés entre elles. Tel est le joli village de la Varenne, cher aux Parisiens, que nous habitons pour le moment, et probablement même pour longtemps, car il est très important pour les opérations futures de l'armée, si elle en fait, que l'ennemi ne puisse pas s'établir dans cette presqu'île dont il pourrait nous inquiéter sérieusement le jour où nous voudrions passer la Marne à Joinville ou à Créteil pour aller l'attaquer et rompre son cercle d'investissement. Il faut donc que nous la gardions. Cependant, notre mission ne consiste pas à la défendre contre une attaque en règle. Nous ne sommes pas en force pour cela, et nous n'avons pas d'artillerie avec nous. Notre rôle se borne à faire bonne garde, à surveiller tous les mouvements de l'ennemi, et à avertir notre ligne de défense en nous repliant sur elle. C'est là une mission peu brillante et qui n'excite guère l'enthousiasme de nos camarades. Mais à la guerre, on fait ce qu'on doit et non ce qu'on veut. Cette vérité, si difficile à faire entrer dans une tête parisienne, commence à être comprise par les plus rétifs d'entre nous, et je suis certain que le jour où l'on voudra nous employer d'une façon plus active, nous marcherons tous au feu comme de vieux soldats. Si un général venait nous passer en revue, il ne croirait jamais qu'il y a 2 mois, beaucoup d'entre nous ne savaient pas ce qu'était un fusil. Mais je crains bien que cette satisfaction nous soit refusée, car nous n'avons pas encore vu le général qui nous commande, si toutefois nous avons un général, ce que j'ignore. Enfin, nous n'en faisons pas moins soigneusement notre service sous les ordres de notre commandant, qui, je tiens à vous le dire, se montre un excellent chef, estimé de tous, plein de courage et en même temps de prudence. Et ce service est, je vous l'assure, des plus durs, au moins la nuit. Car pour le jour, nous sommes de simples vigies, n'ayant qu'à observer ce qui se passe chez nos adversaires. Pour cela, nous nous installons dans les greniers des maisons en bonne position, nous soulevons une tuile et nous regardons devant nous. Cela, vous le voyez, n'est ni bien pénible ni bien dangereux. Seulement, il faut se contenter de risquer un œil. Car si nous nous avisons de mettre le nez à une lucarne, nous sommes sûrs de recevoir une fusillade, nos ennemis trouvant indiscret qu'on regarde chez eux. Et comme ils ont aussi des vigies, le curieux imprudent ne tarde pas à être puni de sa curiosité maladroite. Mais la nuit, ce système assez commode n'est plus possible, vous le comprenez facilement. Aussitôt que l'ombre s'épaissit, il faut abandonner les greniers et placer le long de la rivière des sentinelles assez rapprochées les unes des autres pour que personne ne puisse aborder sur la berge sans être vu par elles. C'est là que commence la partie désagréable de notre tâche. 4 heures contre le tronc d'un arbre, au coin d'un mur ou dans un trou creusé en plein champ, cela peut paraître assez court à celui qui envisage cette position tranquillement, les pieds sur ses chenets. Mais celui qui est contre l'arbre ou dans le trou trouve le temps moins rapide. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il gèle, il faut rester là, immobile, l'œil sur la rivière. Quelquefois, un éclair jaillit sur les eaux noires. C'est un coup de fusil qu'on envoie à l'une de nos sentinelles. Une détonation retentit, et après un moment de brouhaha, le silence se rétablit. Car il faut dire que ces fusillades font plus de bruit que de mal. Alors on a tout le temps de reprendre le cours de ses réflexions jusqu'à la fin de sa faction. Chose curieuse, quand je vois un de ces traits de feu courir sur la rivière, mon esprit remonte toujours dans le passé, au jour où, pour la première fois, je me suis promené sur les bords de cette Marne, alors si tranquille, si différent de ce qu'ils sont aujourd'hui, et une vision passe devant mes yeux, celle de ce Martin pêcheur qui s'est envolé devant nous, aussi rapide que ses jets de poudre. Vous rappelez-vous ce Martin pêcheur, chère Thérèse? Moi, je me plais dans ce souvenir qui m'aide à abréger ma faction. Aussi dirais-je franchement que je souhaite ces coups de fusil. Ils me donnent la note, et m'enlevant aux tristesses de leur présente, ils me reportent brusquement dans le passé. Il arrive cependant quelquefois que mes souhaits sont dépassés. Ainsi, cela s'est produit hier, C'était mon tour de faction que je devais prendre lorsque la nuit serait venue dans un joli trou creusé dans la berge même de la rivière. À l'heure dite, il faisait noir à ne pas voir à 5 pas devant soi. Je me dirige vers mon trou en marchant avec précaution sur l'herbe pour ne pas attirer l'attention de nos ennemis qui devaient se trouver embusqués dans une petite île. Mais au moment où j'approche de mon trou, voilà que je marche sur une plaque de tôle qui se met à résonner. Je saute de côté, je bouscule une vieille casserole qui, elle aussi, chante une note fêlée. Je ne prends pas le temps de réfléchir et vivement je me jette à plat ventre. Cette inspiration était heureuse, car l'île s'illumine et 3 ou 4 balles me passent à un pied au-dessus du dos. Si j'étais resté debout, je les recevais dans le ventre. Sans me relever, je me traîne jusqu'à mon trou, écartant doucement avec la main une autre plaque de tôle que je trouvais sur mon passage. Une fois dans mon trou, je peux tranquillement réfléchir. Qui a placé ces plaques de tôle et ces casseroles de manière que j'avertisse moi-même nos ennemis de mon arrivée? Avons-nous des espions parmi les rares habitants qui sont restés dans le village? Ce trou gênerait-il nos ennemis plus qu'un autre? Il n'est pas facile de trouver des réponses à ces questions, et mes 4 heures de faction se sont passées à chercher, sans arriver à rien de satisfaisant. La seule chose certaine, c'est que ces plaques ne sont pas tombées du ciel autour de mon trou et qu'elles ont été disposées là par quelqu'un. Aussi, en sortant, lorsque ma faction a été finie, et je marchais à 4 pattes pour rejoindre au coin d'un mur ceux qui venaient me relever. Avec mes mains, je tâtais autour de moi sur l'herbe, étant beaucoup plus adroit à me servir de cette partie de mon corps à laquelle le tact donne des yeux que de mes pieds. Voilà, chère Thérèse, quelle est notre position et quelles sont nos occupations. Combien de temps resterons-nous là? C'est ce que, bien entendu, je ne peux pas vous dire. Cependant, il me semble que nous ne devons pas être bien éloignés d'une action décisive, à laquelle sans doute nous prendrons part. Écrivez-moi aussi longuement que vous pourrez, et prenez quelques heures à nos blessés pour me les donner. Ne me parlez pas seulement de notre ambulance. Causez longuement, librement, comme si nous étions au coin du feu. Et votre oncle Soriol? Il y a longtemps que vous ne m'en avez rien dit. Ne vous aide-t-il plus? Et Madame de Lucilière, ne l'avez-vous pas revue depuis sa visite à l'ambulance, où elle vous a parlé de moi avec une vive affection? Que vous a-t-elle donc dit que vous ne pouvez pas le répéter à votre ami? Édouard Chamberlain.